J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Mes souliers, mon vélo. En Arthur, on ne pense pas dans la police, il y a des examens et tout, pour tout le suite, tu vois. Ça se présente plutôt bien, finalement. Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une cloche, t'as eu. Et le mec qui mangeait ses sandwichs, c'était le blanc. C'est la viande Barbie. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit. En 3 secondes, j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule. Alors, pour ce premier épisode, j'ai enregistré avec Adrien Labrocante. J'ai commencé en fait par, comme vous avez entendu le générique, à lui faire deviner qui était dans le générique. Donc il a deviné une partie, pas tout le monde. Voilà, donc j'étais très content de faire ce premier épisode avec lui. J'espère que vous allez apprécier. Il y avait un peu de bruit en fait, il avait un octodon, c'est un rongeur, il va l'expliquer dans le podcast, mais qui faisait un peu de bruit derrière. Donc j'espère que ça va être écoutable. Normalement ça va. Le prochain épisode, ce sera avec quelqu'un d'autre et le son sera beaucoup mieux. Voilà, bonne écoute. Dans le générique, il y a des humoristes. Et je veux que tu me dises si tu arrives à reconnaître tous les humoristes. Ok, genre une sorte de blind test d'humoriste. Ouais, alors. Ok, c'est parti. On dirait du. Putain, c'est Louis de Funès, non? Ouais. Ça, c'est. Muriel Robin. Ouais. Gad Elmaleh. Ouais. Ça, c'est Bounaïmin. Ouais. Blanche Gardin. Ouais. Et Romain Frécinet. Ok, ouais, il en manque quand même. Ok, j'en ai raté début. Il en manque deux, alors vas-y, je te remets le début. Il en manque trois même. Coluche. Quatre du coup, ouais. Il n'y a pas Jamel Debbouze ? Si. Et après, je pense que je les ai tous à la fin. Non. Après, Gad Elmaleh, il y a quelqu'un. Mais là, je suis Blanche Gardin. Ouais. Bah, déjà, t'as loupé, du coup, il y a Louis de Funès. Et après, ouais. Mes souliers, mon vélo, Bourville. Ouais, Bourville, ok, j'avais un Bourville, ouais. Okay. Et du coup, il y a Florence Foresti, okay. Avec la viande Barbie. Ouais, mais... On entend très léger. Enfin, en vrai, Florence Foresti, c'est pas du tout dans mes références, tu vois. Ouais. Moi, je suis assez, en vrai, genre, en humour français... À part Guy Bedos, tu vois, genre, je suis vraiment moderne, je pense. Ouais, beaucoup dans le nouveau, quoi. Ouais, je suis beaucoup dans le nouveau, pour le coup. Et en vrai, genre, je me suis amusé à écouter, par exemple, Les Frères Ennemis, où c'est vraiment, genre, un peu, genre, quasiment dans les premières traces d'humour français connu. Mm-hmm. Et j'aime bien, mais je trouve que, après, il y a vraiment eu des trucs où ça me parle pas plus que ça, tu vois. Ouais, bah, il y a pas mal de trucs où tout ce qui est ancien, j'ai beaucoup de mal aussi, à part Louis de Funès, tu vois. Bah, j'ai mis ceux que je préférais, en gros. Ouais, mais tu vois, par exemple, mais... Louis de Funès, il a jamais fait, à ma connaissance, il a jamais fait de One Man Show, tu vois. Non, il a jamais fait de One Man Show. Mais c'est pour ça que je parle de l'humour en général en France. Ok. Parce que du coup, le podcast s'appelle L'avenir sera drôle. Ok, cool. Et bah, du coup, comme je te présente, Adrien Labrocante. Ouais. Déjà, je voulais faire ce podcast avec toi en premier parce que t'es la personne que je connais le mieux dans le stand-up. Et tu t'es dit que pour un podcast qui s'appelle L'Avenir, quelqu'un qui s'appelle Labrocante, c'est très pertinent. Ouais, exactement. Ça va super bien ensemble. Je pense. Ouais. Et bah, après, je pense qu'on se connaît bien parce qu'on est à côté, on habite à côté, pas très loin, en Seine-et-Marne. Du coup, je t'explique le truc. Ouais. C'est une discussion. C'est pas vraiment une interview, c'est une discussion. D'ailleurs, t'as déjà fait des interviews? Est-ce que on m'a déjà interviewé? Je crois pas, écoute, je crois pas. Bah écoute... Interview écrite, pour le coup, ouais. Écrite, d'accord, ouais, où ça? C'était Ken Boyer, un mec qui fait du stand-up aussi, qui m'avait envoyé 2 ou 3 questions que j'avais répondu. Ah ouais, mais il m'a envoyé, il y a pas si longtemps que ça. Il m'a envoyé à peu près tout le monde. Ouais, je crois. Genre, comme j'ai pris le temps de répondre et de faire des réponses longues, bah du coup il estime que genre j'ai fait un truc de ouf pour lui alors que genre ah ouais pas tant que ça, tu vois, mon temps n'a pas tant de valeur que ça en vrai. Donc, j'ai pas répondu super long moi, mais je l'ai envoyé en vocaux, plusieurs vocaux où je lui ai répondu, mais je crois que c'est pour We Love Comedy. We Love Comedy, ouais. Je crois qu'il veut que ce soit pour We Love Comedy, mais il sait pas encore à qui le vendre. D'accord, ok. Ok. Du coup, voilà, c'est une discussion, tranquille. Si vraiment que je te pose des questions, tu peux m'en poser aussi. C'est pas moi qui te pose plein de questions. S'il y a des trucs que tu veux couper, ou quoi, tu réfléchis après, tu dis, ouais, non, ça, tu peux l'enlever et tout. Pas de problème. Après, toi, je pense que ça devrait aller. Ouais. Okay. Peut-être moi, je vais couper quand je vais monter. Moi, je vais te couper. Et si tu veux l'écouter avant que je le poste, tu me le dis. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Non, mais je te le dis, il n'y a pas de souci. En vrai, j'ai confiance en ta capacité à pas avoir tant de spectateurs que ça. Ça va, j'ai pas peut-être que ça va aller très vite. On ne sait pas. Non, en vrai, je voulais faire un podcast avec que des stand-upers pas connus. Ouais. Parce que vous allez te le dire. Parce qu'ils acceptent. Parce qu'ils acceptent déjà. C'est une des raisons. Ouais, donc... et parce que, tu sais, souvent, les interviews où vous parlez avec des gens qui sont déjà connus et tout, ils parlent de eux avant. Ouais. Et je me dis peut-être que leur discours, il change. Okay. Avant. Et c'est bien de voir. Par exemple, si tu dis de la merde maintenant, plus tard, on pourra le ressortir. Ouais. Tu vois. Mais ça devrait aller, je pense. Bah, je compte me concentrer sur te manquer de respect pendant toute l'interview, donc. Oui, bah vas-y. Je pense que tu vas être le gars le plus. Après, de ce que je connais, le plus connard de l'interview, hein, vraiment. De tout ce que je vais avoir. En fait, j'ai la flemme d'attendre d'être connu pour devenir un connard, donc du coup, je me concentre pour être un connard dès maintenant. D'accord. alors, déjà, je voulais parler en premier d'un truc de ce que tu viens de sortir, la série Huis Clos. Ouais. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour la tournée? Déjà pour expliquer, tu peux expliquer ce que c'est la série Huis Clos? Ouais, Huis Clos, en gros, c'est une série sur l'idée de base. C'est quand il y avait le confinement qui commençait en Italie et en Espagne, je me suis dit, c'est ouf cette idée que tu peux être obligé de rester à un endroit et que tu n'as pas le droit d'en sortir. Et je me suis dit, vas-y, imagine, on le rend encore plus strict. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne se connaissent pas plus que ça, qui se retrouvent obligés de vivre ensemble. Mmh. Et du coup, l'idée, c'était de faire peut-être plus tard d'autres saisons, mais sur des gens qui se retrouvent à vivre ensemble alors qu'ils n'ont pas voulu. Et donc la saison 1, c'est 8 épisodes de 2 minutes en moyenne sur une meuf qui a ramené un mec un peu chelou chez elle pour passer la nuit. Et finalement, elle se retrouve à devoir cohabiter avec lui pendant une durée qu'elle ignore. Donc voilà. Et du coup, on a eu l'idée... Enfin, j'ai eu l'idée de base, je l'ai eu juste avant le premier confinement, donc en février 2020. On a écrit pendant le tout premier confinement avec Alice Lombard, qui est l'actrice qui a joué dedans. Et on a tourné ça en 5-6 jours, à peu près. 5-6 jours 5-6 jours de tournage, ouais. Ah, tu vois, j'aurais pas pensé, j'aurais dit limite plus, tu vois. Ok. Bah, après, on a fait ça vite, parce que on a tourné dans l'appartement d'Alice. Ouais. Et elle déménageait après, donc du coup, on avait un temps vraiment très limité. Ok. Et ouais, enfin, du coup, avec Alice Lombard. Ouais, tout à fait. Je vais voir pour l'interviewer elle aussi, enfin lui parler elle aussi. Et comment dire, voilà. Il va y avoir des blancs. Et alors, on a un son de merde du coup là avec qui est d'habiter dans une maison sous pont aussi, toi? Écoute, je suis désolé, c'est mon côté artiste. Ton côté artiste. J'aime avoir des Velux sur lesquels la pluie tombe. Parce que du coup, on a la pluie et on a l'octodon. Ouais, donc l'octodon, c'est un rongeur. Il s'appelle Théorie, elle est très sympa, mais elle aime bien tourner dans sa roue et faire beaucoup de bruit. Ouais, bah ça va peut-être un peu gêné, mais bon, tant pis. Hein. Au pire, je vais essayer de baisser le truc, on verra. C'est, de toute façon, au pire, les gens sont pas chiants. Pendant le confinement, là, du coup, qu'on vient d'avoir, t'as pu écrire ou beaucoup ou pas beaucoup? Ouais, j'ai un petit peu écrit. Là, j'ai un sketch que j'ai envie de tester. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tu peux dire les grandes lignes ou tu préfères pas, comme tu veux? Je peux en dire les grandes lignes. Globalement, je parle d'une meuf qui est pas ma meuf, mais avec qui je couche régulièrement. D'accord. Et voilà, et du coup, ouais, c'est un peu ça l'idée. Et ce qui est... Je vais vendre un des punchs du truc, mais le truc que je trouve drôle, c'est que cette meuf-là me trouve absolument pas drôle. Mmh. Et genre, c'est le premier sketch de moi qu'elle a aimé et qu'elle trouve drôle. Et du coup, elle, sa théorie, c'est que c'est un peu ma muse et que grâce à elle, je me suis amélioré en humour. D'accord. Et moi, je pense que juste, elle trouve ce texte drôle parce que je parle d'elle et qu'elle est très égocentrique. Ouais. Ça, ouais. C'est ma théorie à moi. Ce que tu me parlais avec la blague que je voulais faire ou... Ah non, c'est pas toi qui me parlais de ça. Non, c'est quelqu'un d'autre. Je parle avec d'autres humoristes que moi. Ouais, je parle avec d'autres humoristes que toi. C'est ça comme une infidélité. Hein. Un peu, ouais. Et alors, du coup, t'habites à Melun et ça c'est le truc qui m'intéresse vu que je suis de Seine-et-Marne aussi. T'es à 45 minutes de Paris? En vrai, le train direct c'est 25 minutes. Hein. 25 minutes? Ouais, le train direct. Ouais, ça fait pas trop loin. 25 minutes, hein. Mais du coup, quand t'as commencé, t'étais déjà à Fontainebleau? À Melun, pardon. Ouais, ça va faire. Écoute, bientôt 10 ans que j'habite à Melun en vrai. Donc... 10 ans. Ouais. Et t'as fait de l'impro avant? Mais du coup, genre, le moment où tu t'es dit, tiens, je vais tester, t'as voulu essayer en mode, je vais me lancer là-dedans, ou tiens, je vais essayer comme ça. En fait, c'est un pote, un mec que je connaissais vite fait, qui m'a dit que je devrais faire du stand-up, après m'avoir entendu parler pendant une heure et demie de ma vie sexuelle, qui était assez chaotique, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est à défaut d'avoir une vie sexuelle épanouissante, j'avais une vie sexuelle drôle, et c'est pour ça que je fais du stand-up, j'imagine. Ouais, après ça va, tu parles pas que de ça. Non. Mais non. T'en parles un peu, mais de manière subtile. C'est pas genre les grosses blagues de bite. Comme bah, t'aimes pas d'ailleurs, hein, c'est, tu m'en avais parlé. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que si le fond de parler de sexualité, c'est super intéressant. Ouais, ça. Et il faut réussir à puncher sur autre chose. Mais si tu parles d'autre chose et que le punch est, et en fait, c'était ma bite, ou des trucs comme ça. C'est pas intéressant, tu vois. Genre, pour moi, genre, parler de sexualité, c'est intéressant et c'est souvent très drôle. Ouais. Mais faire des blagues de top, c'est pas intéressant, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, vois. On va pas citer de nom. Mais. En vrai, je saurais pas te dire, genre, dans les gens qui font du stand-up actuellement, quelqu'un dont la spécialité, c'est de parler de bite, tu vois, à part Jean-Marie Bigard, mais. Ouais, ça sert pas non plus qu'il fasse du stand-up. En vrai, j'ai quelques noms, mais après, j'ai vu quelques blagues d'eux. Après, je connais pas tout leur truc. Ouais, mais moi, je vois plus ça, tu vois. Genre, je pense qu'il y a personne qui se dit j'ai envie de faire du stand-up pour faire des blagues de beat sur scène, tu vois. Et il y aura énormément de fois le mot beat dans ce. Ouais, ouais. Mais tu vois, je pense que c'est plus genre. Des fois, t'as envie d'écrire sur un truc, et parce que ça tient à cœur. Tu sais pas comment le rendre drôle, et donc du coup, tu vas puncher sur une blague de cul. Genre, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est une facilité d'écriture, et je pense que une fois que tu as réussi à mûrir ton texte, ça va s'effacer un peu, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Étape, tu vois. Et de toute façon, je pense que si un gars pense que dans stand-up, faut parler tout le temps de cul, c'est pas quelqu'un qui peut vraiment réussir ou. Alors, je suis pas d'accord avec toi, en vrai. Dis-moi. Tu vois, genre, un spectacle entier qui parlerait de sexualité, je trouverais ça ultra intéressant, en vrai. Mais... Oui, alors, non, mais de sexualité, mais je te parle que des blagues où justement voilà. La chute c'est beat ou. Voilà. Là, je suis d'accord, tu vois. Ça devient. Là, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est important de parler de sexualité dans le stand-up. Et, ah oui, non, mais évidemment, ça oui. Tu vois, mais, Bah, moi, le premier. Je suis assez d'accord. Et du coup, ta première scène, c'était où? Alors, ma première scène, c'était dans un open mic de musique où j'étais allé avec un pote. Et du coup, on a demandé si on pouvait faire du stand-up et ils nous ont laissé faire. Ah ouais? Ouais. Et la deuxième scène, ça c'était drôle. C'était à l'open mic du Barbès. Et j'étais passé entre Charlet Soignon et Rémi Boyce. Ouais. Avec un 3 minutes où je parlais de suicide pendant 3 minutes. Et du coup, forcément, j'ai bidé pendant 3 minutes parce que voilà. Entre Rémi Boyce et Charlet Soignon, plus mon texte qui était pas ouf, plus ma présence scénique qui était très hésitante. Et je me suis rassuré en me disant c'est bon, tout le monde t'a oublié, personne ne se rappelle que t'es monté sur scène. Et en sortant du Barbès, il y a Charlet Soignon qui est venu vers moi qui m'a fait. T'as vu, c'est pas facile, hein? Et qui s'est barré. Ah bah, là ça avait tout de suite les choses claires. Et c'était ton premier beat ou t'avais bidé la première fois? Non, j'avais bien marché la première fois. Mais ouais. En même temps, j'étais plus drôle que les musiciens, donc c'est facile. Ouais, mais en fait, quand les gens ils s'attendent pas à avoir du stand-up, c'est compliqué de ramener le stand-up. Genre, par exemple, pour donner l'exemple, hein, on est tous les deux avec Hakim. Ouais. Tu te souviens Hakim Lopez. Hakim Lopez, ouais, qui chante. Hein, si qui a... jamais il écoute, je lui fais un gros bisou. Ouais, alors. Et, félicitations pour le fait d'être devenu papa. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, félicitations, mais quand il t'avait proposé à toi, en fait, je t'avais invité sur mon plateau à Fontainebleau et il t'avait proposé à toi de venir du coup dans une sorte de troupe qu'il a, c'est ça Il fait des spectacles où il a envie de mélanger plusieurs formes d'art, en fait. Ouais, voilà. Et il m'avait proposé un jour où je pouvais pas, et du coup je t'avais envoyé en remplacement. Ouais, tu m'as envoyé en remplacement, mais c'était sur une place, sur la place de Moret près de chez moi, donc une place dehors dans un restaurant, et il était 20h, donc il y avait des enfants qui jouaient dehors et tout, et moi j'ai un sketch du coup sur l'épilation et tout, et je pouvais pas dire le mot couille, je me voyais pas dire ça devant des enfants, donc je voulais me bloquer, j'essayais de changer, mais vraiment c'était horrible, et du coup... Tu sais, il chantait, et entre deux, moi en plus il y avait un scénario, je devais le couper et tout, entre les deux, je devais faire du stand-up, ce qui n'a pas marché du tout, hein. Vraiment, ça n'a... Horrible, ouais, franchement, j'étais... En gros, t'avais tous les éléments pour que ça marche pas, t'étais en extérieur, il y avait un public qui était pas là pour pour ça. Ouais. Tu vois, c'est, ça dépend de ça dépend de plein de critères en vrai. Mais après, il y avait des enfants autour. Soit tu remplaces le mot par un autre mot en faisant des gros guillemets pour que les gens comprennent. Ouais, après j'ai pensé à ça. Franchement, tu aurais fait un sketch sur l'épilation des grenouilles. Je pense que. Ouais, mais j'ai voulu commencer. Je crois que j'ai remplacé le mot branlette par poignée, des trucs comme ça, mais vraiment ça n'a pas marché du tout. Après, c'était beaucoup dans l'impro, hein. Mais vraiment, c'était. Je pense que c'est le pire, hein. Le pire but que j'ai pu avoir. C'était horrible. Ouais, mais enfin, tu vois, là, pour le coup, t'as pas à t'en vouloir parce que c'était ouais. Les conditions qui étaient hardcore, tu vois. Non, non, c'est ce que me suis dit, les conditions. Et puis, parce que, en fait, surtout, je pense que le pire, c'est que, tu sais, quand tu fais un truc qui est drôle. En plus, je passais, je crois, juste après ton passage, bon, enfin, quand j'étais passé sur le plateau que du coup, t'avais avec Walid et Georges, les sales blagues et tout. Ouais. J'étais passé, du coup, cette blague où j'avais bien marché. Ouais. J'étais content et tout. Je me suis limité. Ouais, ouais, l'open mic, vous étiez sûr de moi et tout, je me suis dit, bah, c'est bon, il fonctionne. Mmh. Et puis t'arrives, tu fais le même truc et ça fonctionne pas du tout, c'était horrible. Là, du coup, bah, c'est encore fermé, mais les objectifs, le prochain gros objectif que tu veux faire dans l'humour, qu'est-ce que c'est? Mmh. Franchement, en vrai, moi, j'ai vraiment ce côté, genre, j'aimerais bien, le vrai premier objectif que j'ai, serait d'avoir de réussir à monter une vraie scène stand-up en Seine-et-Marne. Ouais. Et que dans un peu toutes les grosses villes du sud Seine-et-Marne, il y ait des scènes stand-up régulièrement. Et qu'il y a ce côté où, genre, on arrive à amener de la vie dans des villes où il n'y en a pas, où il n'y a pas forcément énormément de vie culturelle. Et aussi, clairement, parce que je pense que c'est là où ça va être plus facile de se faire de l'argent qu'à Paris où c'est un peu saturé, quoi. Ouais, alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est une question que je me pose du coup. Est-ce qu'il y a assez de monde en Seine-et-Marne pour faire plein de plateaux dans les grandes villes? Enfin, plein de plateaux, des plateaux dans toutes les grandes villes. Par exemple, on va avoir notre plateau de la Morée normalement. Il y a celui à Fontainebleau. Il y a celui qui va arriver, le tien, à Melun aussi. Est-ce que du coup, il y aura assez de demandes pour tout le monde, tu vois? Ce que je vais te répondre, c'est... Il y a l'exemple de Nantes où je crois que tu as un plateau par jour. De mémoire, Nantes, c'est 240 000 habitants. Mmh. Je pense qu'en Seine-et-Marne, il y a plus de 240 000 habitants. Ouais, je ne connais pas du tout les chiffres. On peut regarder, tu vois, mais ouais. Tu vois, pour le coup, la population de Seine-et-Marne est comparable à celle d'une grande ville, tu vois. Voire même supérieure, je pense. Parce que regarde, juste, je prends l'air... Oui, il y a plus que 200 000 habitants. De grand Seine-et-Marne ? Ouais, il y a 1,4 million. Voilà. On va couper en deux pour le sud Seine-et-Marne. On va même dire que le sud Seine-et-Marne est moins peuplé que le nord Seine-et-Marne. Ouais. On va dire qu'il y a 400 000 habitants. 400 000 habitants, c'est l'équivalent d'une grande ville. En fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, voilà, il y a pas de. Pour moi, il y a un marché, tu vois, à conquérir. Et en plus, dans une grande ville, tu auras plus de concurrence parce que tu auras plein de spectacles. Ouais. Plein de sollicitations différentes. Là, on n'aura pas énormément de concurrence, quoi. Donc, ah, bah oui, bah, il suffit de voir, du coup, le plateau à Fontainebleau qui était complet. À chaque fois qu'on en a fait un, parce qu'il n'y a pas de plateau de stand-up. Il y a ça. Et pour le coup, je pense qu'en plus à Melun, je suis un peu repéré déjà. Ouais. Parce que bah, j'ai fondé une troupe de théâtre d'impro à Melun. Ouais, j'ai déjà des bases. Ce serait intéressant du coup d'en parler. Je voulais t'en parler aussi ouais. de l'impro. Et du coup, ce que tu me parlais tout à l'heure, c'est l'impro fighter, c'est ça? Ouais, l'impro fighter, c'est un projet que j'ai monté avec Mathieu Haro. Et ce qui est intéressant, c'est que ça illustre un petit peu pour moi le côté genre où chaque projet se nourrit un peu des autres. C'est-à-dire que Mathieu Haro, je l'avais croisé en faisant du stand-up Wishing Light, rue de Lap. Et depuis, on était potes sur Facebook, mais on se parlait pas spécialement. Et quand j'ai monté Huis Clos, il a commencé un peu à commenter, à faire des blagues sur les vidéos. J'ai vu qu'il regardait. Et lui, il a une chaîne Twitch où il anime une émission qui s'appelle On va percer. Il a souhaité nous inviter, Alice, Caroline, la réalisatrice et moi, pour parler de Huis Clos. Ouais. Et il faisait quelques jeux d'impro. Et du coup, je lui ai dit, mais vas-y, en vrai, on peut faire une émission entièrement basée sur l'improvisation, où on ramènerait des improvisateurs d'un peu partout, et on ferait comme un jeu télé avec des jeux d'improvisation, des points à gagner, et le gagnant qui reste d'une émission à l'autre. Donc là, alors où on en est, on a fait la première émission, et on fait la deuxième le 16 mai. Ce sera pas sorti l'épisode, je te le dis. Ok, et voilà, mais après ce sera toutes les deux semaines, donc du coup le 30 mai. Faut que je regarde, je t'avoue, ouais. J'ai pas eu te regarder. Voilà, bah, le premier numéro s'est plutôt bien passé. On avait tout au long du live entre 30 et 50 spectateurs de mémoire, ce qui est très bien pour du Twitch. Pour un bon début, ouais. Et là, on a fait quasiment 400 vues sur Twitch dessus. Plus, là, on a posté sur YouTube s'il y en a qui veulent revoir. Donc, du coup, il y a une cinquantaine de vues sur YouTube. Et 400 vues sur Twitch, c'est pas trop mal de mémoire. Par exemple, j'avais regardé Seb Melia. Je crois que son live qui avait fait le plus de vues, il était à 700 vues. Je t'avoue, j'ai pas du tout regardé. Je suis très peu sur Twitch. Vraiment très peu. Je vais devoir m'y mettre parce que du coup, je veux faire des interviews avec des gens que je connais pas vraiment et qui sont sur Twitch. Pour revenir sur l'impro, j'avais une question. Est-ce que l'impro, ça t'a vachement aidé un peu pour le stand-up ou vraiment pas du tout? Je pense que ça m'a aidé à avoir une vision différente, en fait, d'avoir ce côté. Genre, ok, si le thème c'est ça, les gens s'attendent à voir ça. Et du coup, si on fait autre chose à la place, ils sont surpris. Et quel peut être ce autre chose qui va être intéressant sans être ce qui est trop attendu. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est ça que ça a apporté, plus un petit peu des réflexes d'écriture. Puisque l'impro, c'est un peu de l'écriture instantanée. Donc, du coup, il y a ça, je pense. Un peu d'aisance sur scène aussi, j'imagine. Ouais, bah ça c'est sûr, je pense. Ça, c'est un gros souci que moi, j'ai jamais fait de théâtre ou quoi que ce soit. Mais toi, t'avais fait du théâtre ou des trucs avant? Ouais, mais il y a très longtemps, pour le coup. Il y a 10 ans, je faisais un peu de théâtre, mais en amateur. Et clairement, j'ai jamais été un bon comédien. Vraiment, je suis pas un bon comédien. D'accord. Et même, je suis pas un très bon improvisateur, en vrai. Ouais, de toute façon, tu m'en avais parlé que t'étais pas très bon comédien. Ouais, mais je suis persuadé, tu vois, genre, en impro... J'avais pas des très bons personnages que j'arrivais à tenir, tu vois, et à jouer, mais je m'en sortais parce que j'écrivais bien et j'arrivais à bien écrire en instantané. Donc, du coup, je me suis dit, si j'arrive à passer pour plutôt bon improvisateur grâce à cet artifice-là, si peut-être que je peux me démerder dans un domaine où l'écriture ce qui serait le plus mis en avant, quoi. D'accord. Mais du coup, ce qui est bien, parce que du coup, tu fais le stand-up et l'impro en même temps. Ouais. Après, si les scènes reprennent, j'aurais peut-être. Le temps de reprendre l'impro, en fait j'avais arrêté l'impro quand je faisais du stand-up quand il n'y avait pas le confinement, tout simplement. Ouais. J'avais pas de temps à consacrer spécialement à l'impro, quoi. Ouais. Et sur le stand-up, genre tu penses, enfin comment dire, attends, je cherche la formulation de la phrase. Tu es persuadé, tu sais que un jour tu vas, je dirais pas percer, mais réussir à en vivre totalement. Ou tu restes quand même dans le dire, peut-être que je ferai pas ça toute ma vie. Je pense que, enfin pour le moment j'en suis pas là. Et pour le moment j'en suis pas là. Je pense pas que je pourrais un jour être genre une grande star de. C'est pour ça que je disais pas percer, mais en vivre. Tu sais, il y a plein de gens qui. Sam Melia, il a pas été connu pendant des années, mais il arrivait à en vivre. Ouais, mais. Ouais. Je pense que moi, il y a un côté où ce que je fais, ça va être trop clivant, tu vois, pour pouvoir toucher un large public, de toute façon. Donc après, ça va être compliqué. Sur le long terme, j'aimerais bien réussir à avoir la notoriété qui me permettrait d'écrire pour d'autres et d'être un peu payé pour écrire pour d'autres. Ouais. Parce que il y a des blagues que j'aime bien écrire, mais que je ne jouerais pas parce que ça correspond pas à ce que je fais comme style. Et où je me dis, ouais, cette vanne-là, elle serait trop bien pour un tel, tu vois. Ouais, je vais pas te mettre dans une case, mais ce serait pas une sorte un peu de naveau. Ouais, pourquoi pas. Après, en vrai, je pense que j'ai trop d'ego pour être comme naveau et. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop mettre dans une case, mais c'est la seule personne qui m'est venue en tête. Tu sais, genre, je pense que j'aurais ce côté, genre, trop besoin de reconnaissance pour me mettre entièrement dans l'ombre de quelqu'un, tu vois. T'as cette conscience-là quand même où t'assumes. D'avoir besoin de reconnaissance, parce qu'il y en a plein qui ne l'assument pas. Ouais, non, moi clairement, j'ai besoin de reconnaissance et franchement, tu me laisses le choix entre avoir une discussion avec quelqu'un dans une soirée et où tous les deux on va se dire cool, c'était une bonne conversation, c'était une conversation assez intéressante et ça nous a apporté à tous les deux. Ou une conversation où l'autre, je sais qu'il m'a rien apporté, mais que je sais qu'il l'a aimé, mais écouté. Ouais. Et lui, je vais largement choisir la deuxième option, tu vois. D'accord. Moi, j'aime être admiré, et ça fait sûrement de moi pas une très bonne personne, mais... Non, pas forcément. Moi, je vis avec cette névrose-là, et j'en vis pas trop mal, tu vois. Enfin, je vis pas trop mal avec, et j'assume d'avoir ce côté assez égocentrique, quoi. Non, je pense qu'à partir du moment où tu assumes ce genre de choses, ça fait pas quelqu'un de toi mauvais. Ouais, ça fait pas non plus de moi quelqu'un de très bien, tu vois. Oui, genre, non plus, mais... C'est pas une qualité, tu vois. devient moyen, quoi, en vrai, en gros. Ouais, après, je pense que c'est moins pire que torturer des bébés chats, tu vois, mais... par exemple. Après, ça dépend à qui tu demandes. Et je voulais en venir où ? Voilà, tu vois, t'as réussi. T'as réussi. En fait, là, il est en train de faire des bulles de savon. Et avant, en off, il a dit qu'il allait me déstabiliser en faisant des bulles de savon. Et là, j'avais une question en tête. Et j'ai pas eu le temps de la noter. T'es de quel signe ? Je suis balance. T'es balance. Tu crois au signe ? Absolument pas. Absolument pas. Et qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un te dit... par exemple, qui ont dit... ouais, tu sais pas faire de choix. Ah oui, mais c'est vrai, t'es balance. Tu leur réponds quoi aux gens ? Je sais pas, en vrai, je m'en... Tu sais, genre, si ça lui fait du bien d'avoir ces croyances-là, je m'en fous, tu vois, genre... tant mieux pour lui. Oui, et... alors oui, non, mais à quelqu'un ces croyances-là... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... ça... tu vois, genre, ces choses-là, ça va plus m'apprendre sur la façon dont la personne me perçoit que sur l'astrologie en général, tu vois. Ouais. Genre, en vrai, c'est un moyen de savoir un peu comment la personne te perçoit et comment elle va se chercher à faire coller la perception qu'elle a de toi ouais, à ce que t'es censé être selon l'astrologie. Donc, Après, aussi, le problème que j'ai avec ça, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent oui, qui croient à fond, je connais pas mal de potes comme ça, et genre, c'est limite, ils t'imposent le fait d'être comme ça, mais t'es comme ça, t'es obligé d'être comme ça parce que c'est ton signe. Okay. Et c'est j'ai eu une petite anecdote, je parlais à une fille sur un site de rencontre, je me souviens plus c'était lequel. Et je crois que la troisième question qu'elle me pose, c'était de quel signe. Okay. Et je lui dis, je suis Sagittaire. Et elle me dit, je lui dis, tu crois au signe ? Elle me fait, oui, beaucoup. Je lui dis, par rapport à quoi et tout ? Par rapport à mon ex et tout, tout est bien fait et tout. Je lui dis, et qu'est-ce que ça dit sur nous ? Et elle me dit, bah, ça veut dire que ça peut bien fonctionner, mais pas longtemps. Elle m'a pu envoyer le message. Après, juste pour un truc comme ça, alors que c'est dommage parce que je suis sûr que je représente pas tous les caractéristiques des Sagittaires, quoi. Non, mais tu vois, genre, je pense que pour le coup, tu vois, elle a cherché à confirmer ce qu'elle pensait déjà, tu vois. Je pense que si genre elle avait été croque-love de toi de ouf et tout, elle se serait dit ouais, mais peut-être qu'il est différent des autres, c'est l'exception, etc. Mais là, du coup, On s'est envoyé 3 messages, vraiment. Ouais, ok. C'est vraiment sur le coup. J'abuse peut-être 3 messages, mais une dizaine, quoi. Okay. Tu vois pas plus. Okay. Et vraiment, je me suis dit, mais d'accord, on en est là. Après, en vrai, tu vois, genre, moi, je pense que je traîne tellement avec juste des gros gauchistes vénères, qu'ils vont pas me dire, c'est à cause de ton horoscope si t'es comme ça. Ils vont juste dire, ouais, mais ça, c'est à cause de tes déterminismes sociaux que t'es comme ça, tu vois. Genre... On est plus, ouais, là-dessus, ouais, dans les gens que tu côtoies, tu m'étonnes. Et du coup, tu vois, genre, je crois beaucoup plus au déterminisme social qu'à l'horoscope, donc du coup... Ça, oui, par contre, et, évidemment. Et personne m'a dit un jour, t'as grandi où ? Tu vois, ouais. Personne m'a posé la question, t'as grandi où ? Bah, je me suis dit, bah, dans la classe moyenne en campagne, et on me dit, ah bah non, ça va pas falloir faire, j'ai grandi en banlieue, tu vois. ça me ferait beaucoup plus rire, et je trouverais ça limite plus courant, même si ce serait très dommage. Ouais, mais pour le coup, tu vois, je pense que... Ça se fait de façon insidieuse, tu vois, t'as jamais un bourgeois ou une bourgeoise qui est dans une relation de séduction, on va dire, ouais, non, mais moi, je cherche quelqu'un qui a totalement les codes bourgeois et totalement, tu vois. Ah, donc, du coup, je sais pas, je pense que ça peut arriver, hein. Bah, je pense que ça a jamais dit aussi ouvertement que ça, tu vois, tu vas le dire en mode, ouais, mais moi, je cherche quelqu'un qui a plus de culture, mais tu vois, genre, chercher quelqu'un qui a plus de culture, ça veut juste dire que je cherche quelqu'un qui a une culture bourgeoise, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, genre, je sais que, par exemple, dans mes potes, moi, je suis plutôt issu d'un milieu modeste aussi, globalement, bas de la classe moyenne. Et dans mes potes de ce milieu-là, je suis à peu près celui qui parle le mieux le bourgeois, tu vois. Mmh. Genre, et du coup, bah, je sais comment je dois parler quand j'ai envie de draguer une meuf qui est issue d'un milieu très bourgeois, quoi. Je pense que je sais un peu quel sujet j'aborde, etc. Ah ouais, tu modifies... Bah, c'est pas tu modifies ta pensée, mais tu modifies un peu ta façon d'être. Non, pas ta façon d'être, mais ta façon de... Les sujets dont tu as envie d'aborder, tu les modifies pour draguer une fille. Pas forcément, mais du coup, tu vois, genre, je vais mettre plus une distance ironique sur certains trucs que je vais dire, tu vois. Mm. Genre, en mode, je sais pas, tu vois, regarde, si je discute avec des gens de ma classe sociale et que je parle de battle rap, ouais. Ça, je peux en parler assez tranquille, tu vois. C'est je pense, quelque chose que les gens de... cette classe sociale-là qu'on partage, aiment et peuvent assumer, tu vois. Alors que si j'en parle avec quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie, Bah, du coup, je vais commencer en disant, ouais, voilà, c'est, ça va être mon plaisir honteux, tu vois, en parler un peu comme d'un plaisir D'accord, honteux. ouais. Et après, amener le côté, genre, ouais, mais en vrai, t'as... c'est un style littéraire avec qui est très codifié, etc., tu vois. Ouais, avec des arguments, tu n'y as que des arguments. Voilà, et en fait, en vrai, tu vois, par exemple, cette discussion sur le fait que ce soit très codifié, on va le parler, on va en parler très simplement entre prolos, et on va pas avoir besoin de mettre des mots intello dessus, alors que quand on parle avec des gens issus d'un milieu plus aisé, tu vas en parler, mais avec des, tu sais, genre en mettant des mots, en disant que c'est une nouvelle forme, artistique d'expression, et en même temps c'est ludique, et voilà, il y a une certaine distance ironique par rapport au code de la virilité, etc., tu vois. D'accord, ouais, c'est pas con, j'ai jamais pensé à ça, à... parce que moi j'ai pour habitude de parler avec n'importe qui de la même manière, sauf entre, bah, évidemment, mes potes et mes parents, tu vois, je parle pas de la même chose, pareil. Mais parce qu'ils sont pas de la même classe sociale. Parce qu'ils sont pas de la même classe sociale. Oui. Et parce que non, je pense qu'il y a des mots. Si je parlais à mes potes comme je parlais à ma mère, elle le prendrait très mal. J'ai jamais pensé à parler différemment à quelqu'un pour la draguer. Est-ce que pour la draguer ou pour sympathiser avec, du moins. Ouais, en vrai, tu sais, genre, je pense qu'il y a pas cette dimension consciente. De ok, je vais lui parler différemment pour la séduire, etc., mais c'est juste que les sujets de conversation et la façon dont on va les aborder vont différer. Oui, hein. Et puis je pense qu'il y a aussi l'environnement qui est autour qui fait aussi, je pense. Ouais, il y a ça qui joue, mais ouais. Si t'es dans un squat, tu parles peut-être pas pareil, ouais, mais que ça, si t'es dans un grand appartement. Tout le temps, tu vois, on s'adapte tout le temps différemment, tu vas parler différemment à ton patron. À tes potes, oui, évidemment, évidemment, vois, ouais, et de la même manière que ça se fait naturellement, tu vas t'adresser différemment. Tu vas te mettre dans une soirée très bourgeoise, tu vois. Tu te retrouves invité, je sais pas, par hasard, dans une soirée très bourgeoise. Bah, tu vas pas parler de la même façon que si tu es invité dans une soirée très prolo ou très lumpen prolétariat, tu vois. Et la différence en fait, c'est quand tu dis bien parler le bourgeois, c'est que quand je dis bien parler le bourgeois, en fait, c'est que pour moi, il y a cette. Différence de parler comme un prolo qui essaie d'imiter les bourgeois ou réussir à avoir assez capté la façon dont les bourgeois parlent pour vraiment parler comme eux, ouais. Et sentir, tu vois. T'as le côté, j'avais un prof de sociaux quand j'étais en école d'éduc qui parlait justement, par exemple, des jeunes de cité qui essayaient de s'habiller comme des bourgeois pour entrer en boîte de nuit et comme ils appréhendaient pas bien les codes qui étaient les vrais codes bourgeois, tu vois, genre les vrais bourgeois se reconnaissent entre eux, ils arrivaient à... Enfin, tu vois, genre, ils étaient encore plus flag que... C'était juste des pauvres qui essaient de s'habiller en bourgeois. Ouais, ouais, je vois. Sur un autre sujet, c'est quoi le défaut sur scène que le prochain défaut sur scène que tu veux travailler pour le changer ou l'enlever? En vrai, moi, ce serait... réussir à être plus captivant, je pense. Dans le sens où... genre... Je peux avoir des vraies traversées du désert si le public, j'arrive pas à faire en sorte qu'il se concentre sur ce que je dis. Parce que je pense que j'ai pas forcément des vannes tout le temps très simples. Moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment de chercher des formes de blagues bien tordues, des raisonnements bien absurdes, etc. Et du coup, ça nécessite une concentration du public que si j'arrive pas à l'obtenir en étant très efficace dans mes premières vannes, bah juste je vais galérer parce que le public va pas avoir la concentration nécessaire et juste ouais. C'est un mec qui parle, quoi. Mais justement, ça c'est un truc donc j'avais pensé aussi à te poser la question. C'est je vais pas balancer la vanne, mais quand tu fais un parallèle, que tu parles de génocide, et que tu fais le parallèle, en fait, quand on parle de génocide, n'importe qui aurait pris en référence le génocide comment dire, des juifs, les juifs, l'Holocauste et tout. Ouais. Et toi t'as décidé de prendre le Galatasaray, le génocide arménien. Donc le Galatasaray n'a rien à voir avec le génocide arménien. Non, assyrien, c'est assyrien. Non, c'est le génocide arménien, mais non, le Galatasaray, c'est un club de foot, en fait. Tu veux que je t'explique la vanne avant après, Non, mais la vanne, je vois. Mais du coup, attends. Parce que du coup, la vanne, c'est mettre un masque de Charles Aznavour pendant que j'enfile mon maillot du Galatasaray. Donc le maillot du Galatasaray, le Galatasaray, c'est un club de foot. Ouais. Et Aznavour, il est d'origine arménienne. Oui. Donc, du coup, c'est juste le côté, genre, il y en a un qui joue un turc et l'autre qui joue un arménien, et les turcs D'accord. ont décidé les arméniens. Ok. Alors, moi, j'avais compris la référence avec les turcs. Ouais. Mais, en fait, je m'y connais très peu en foot. Mais, justement, en parlant de ça, est-ce que, t'as pas eu peur quand t'as écrit cette vanne, que les gens n'aient pas vraiment la référence. Parce que, par exemple, là, tu viens de m'expliquer le truc. Ouais. Moi qui n'avais pas la référence du Galatasaray. Ouais. J'avais juste la référence du génocide arménien. Ouais. Mais par exemple, je suis sûr que je parle à plein de gens qui ont vu tes vannes le soir où tu l'as fait. Je suis pas sûr qu'ils aient tous la référence. Pourtant, ils ont tous rigolé quand tu l'as fait. En fait, t'as la dimension de genre ceux qui vont comprendre, ils vont être super flattés et en mode ah là là, il a fait une blague intelligente et moi je l'ai compris et pas les autres, donc du coup il est trop bien, on est en connivence, etc. Tu vois. Et t'as les autres qui peuvent se dire ok, il a fait une blague, genre ça fait rire beaucoup des gens et moi je l'ai pas comprise, donc du coup ça me valorise en fait. Tu crois? Et il y a cette dimension là pour moi. Et mais tu vois, faut être sûr que t'as au moins une part significative du public qui la comprenne, tu vois. Mmh. Et ma blague d'après, justement, c'est une blague sur le fait que tout le monde n'a pas compris la blague dans la salle. Donc, oui, du coup, ouais. Je désamorce ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais sur le coup, tout le monde, d'ailleurs, je crois que c'était l'un des plus rires que tu avais eu sur le plateau de Fontainebleau. Tout le monde avait vraiment rigolé à ça et tout. Et sur le coup, quand je t'ai entendu, je me suis dit, est-ce que vraiment tout le monde a compris? Après, je t'ai entendu désamorcer le fait que tout le monde n'avait pas compris. Mais quand tu l'as écrit, tu t'es pas dit ah c'est peut-être un peu trop j'ai pas le mot mais tu vois ce que je veux dire. En vrai mon objectif, tu vois, si vraiment je veux faire le si je veux faire un truc dans lequel je m'éclate, j'ai envie de faire des blagues qui sont avec des références culturelles un peu tordues, avec des raisonnements absurdes, etc. Donc du coup, à force, je me ferai un public qui est en recherche de ça. Mmh. Après, c'est sûr que, ouais, en scène ouverte ou même en plateau, ça peut me faire galérer à certains moments. Mais c'est le jeu aussi, tu vois. Ouais. Et à toi, du coup, à moi aussi, de doser et d'avoir des blagues qui sont plus accessibles. Mmh. Mais ouais, avoir une blague très deep de temps en temps, moi, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer de ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, quand tu commences à me parler que t'avais peur que tu captes pas les gens, au départ, je pensais que tu parlais de ta présence sur scène. Et mais ça, je trouve qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai demandé à parce que mes parents ils t'ont vu. Et pour l'anecdote, ma mère t'a trouvé limite plus drôle que moi. C'est pas limite. Elle est arrivée moi. Après, elle m'a dit, je voulais qu'elle me dise ah c'était bien ce que t'as fait ou quoi. Elle m'a dit franchement Adrien il est super drôle. Ça, ouais, mais ça c'est okay. Parce que ta mère veut me draguer aussi. Oui, sûrement. Ça c'est une autre discussion. Et par exemple, j'ai demandé à mes parents et tout quelles questions ils auraient aimé te poser. Et la vraie question, c'est est-ce que t'es dans la vie, parce que quand tu viens sur scène, t'as ton pull, t'as tout ça. Ouais. Est-ce que t'es dans la vie comme sur scène? Moi, j'ai la réponse, mais je pense que je suis. En fait, le truc, c'est que je fais de l'humour assez trash. Genre moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment de réussir à faire des sujets ultra trash, enfin un peu tabou, etc. Et du coup, faut un truc pour le contrebalancer, pour pas que ce soit trop choquant. Et jouer un personnage qui est un peu qui se rend pas compte de ce qu'il dit des horreurs, qui a l'air naïf et inoffensif un petit peu, ça permet vachement de le contrebalancer. Donc ouais, dans la vie je pense que je suis assez différent de ça, mais je pense quand même avoir ce côté décalé qui est quand même présent chez moi. Et puis je pense pas être après, je pense que je suis plus méchant que mon personnage dans la vraie vie. Tu penses vraiment? En tout cas, plus moqueur. Mon personnage est vraiment très innocent, j'imagine. Ouais. Moi, pour le coup, tu vois, genre par exemple, faire du roast, c'est un truc, ça me. Donc, roast, c'est genre trouver des vannes méchantes sur d'autres personnes présentes sur scène, c'est un truc qui m'éclaterait, quoi. Ouais. Mais du coup, tu sortiras totalement de ce personnage. En vrai, je pense que je pourrais réussir à l'amener dans le personnage. Faut que j'essaye, tu vois. Ouais. Mais j'ai déjà été approché pour des projets de roast qui devaient se monter Covid. J'ai déjà écrit des vannes et je pense qu'elles pourraient passer dans mon personnage. Ok. Ok. Alors j'ai un petit jeu pour toi. Ouais. J'ai demandé à des gens des trucs sur toi. Ok. Et je vais te dire les trucs. Et tu vas devoir deviner quels sont les gens qui m'ont dit ça. Ok. Ouais, vas-y. Et si tu gagnes, j'ai pas de cadeau pour toi, mais voilà. Alors, tu ne sais pas tenir un smartphone en main. Ça, c'est forcément Alice ou Georges. Tu dois faire un choix. Je dirais que c'est Alice. C'est Alice. Tu es fan de Battle Québécois. Je dirais Georges. Ouais, c'est Georges. Okay. T'es bon. D'ailleurs, j'étais étonné. Tu m'en avais jamais parlé que t'étais fan de Battle Québécoise. Je suis fan de Battle Rap en général. Et, ouais. Ouais, et j'ai vraiment... eu une période où j'accrochais beaucoup plus sur les World of Battle, qui est la version québécoise, que sur les Rap Contenders. Et au final, le niveau a pas mal progressé, notamment la génération, la Manif, Chief, Madou. Pour moi, c'est genre, les deux pays confondus, la meilleure génération de battle rappeurs. Et même si Madou est un peu moins bon qu'il l'a été à mes yeux il y a quelques années. Mais Chief et la Manif sont vraiment incroyables. Je regardais même des petites ligues de campagne québécoise. J'ai déjà regardé des battles de rap malgache. Ah ouais, carrément. J'ai regardé des battles de rap philippin alors que je parle pas le philippin, ou russe alors que je parle pas le russe. Ah, tu vois, ouais, je savais pas. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, ouais, pour le coup. Ok. Tu t'invites au repas de famille des autres. C'est Julie qui prend les photos. Oh, cette blague. Ouais. Alors ça, c'est un truc que je savais pas non plus. T'as bossé dans un recueil pour SDF. Ça, ça peut être plein de gens, ça. Ouais. C'est pour ça. Il fallait quand même un piège. Il fallait pas que tu gagnes tout. En vrai, vu la liste des gens dont tu sais que je suis proche dans le milieu, c'est Walid. Non. Non? Non. Attends, de qui d'autre tu sais que je suis proche? Lucas? Je sais même pas qui c'est, Lucas. Non. Ma frame, c'est qu'il y avait pas mal de gens avec qui je savais pas. Il y a des gens à qui j'ai demandé qui m'ont toujours pas répondu. D'ailleurs, j'espère que Tristan entendra ce podcast. Ah, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça le message hier. Non, c'est je peux te dire. Attends. Vas-y, vas-y. Du coup, attends, avec qui t'es en contact? C'est quelqu'un du milieu stand-up? Oui. Ok. Quelqu'un du milieu stand-up. Je pense que tu ne trouveras pas, c'est sûr. Parce que tu pars trop loin. C'est Sam? Sam, non. Non, ok, non, je sais pas. Bah, c'est encore Georges. Encore? Oh, mais... Ouais. Bah, c'est pour ça que je voyais que tu partais trop loin, que tu cherchais quelqu'un d'autre. Mais. Il y avait juste un où t'as pas trouvé. Ouais, mais je savais pas que potentiellement tu pouvais avoir demandé deux fois la. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, j'ai demandé à pas mal de gens plein de choses. Julie, elle m'en avait parlé quand j'avais ramené une fois sur Melun. Je lui ai même pas demandé si je peux en parler, mais tant pis. Et Alice, Georges, Walid, il m'a dit, franchement, j'ai pas de truc à te dire. C'est un truc. Mais. C'est parce qu'il a pas de mentalité de Poucave. Peut-être. C'est genre, ouais. Tu balances pas les noms, etc. C'est son côté street cred. Organiser un plateau, la première fois, ça a été avec Walid et Georges ou Ouais, c'était avec Walid et Georges. Non, à l'époque, il y avait Etonk qui était Walid. Et Etonk, en fait, ça l'a pas fait. On était très potes, hein, toujours de l'affection pour lui, même si on se parle plus trop. Mais voilà, Etonk, au final, c'était pas son projet. Là-bas, c'était plus celui de Walid et moi. Et t'avais le côté où genre on traînait les trois ensemble, donc on lui a proposé, et au final il s'est pas énormément, enfin on sentait que c'était pas un projet qui lui tenait autant à cœur qu'à nous deux. Okay. Et au final après c'est Georges qui a pris la troisième place, quoi. D'accord, ok. Oui, du coup, ouais, du coup c'était pas Georges tout de suite. Ouais. Mais ça, je crois qu'en plus Julien m'en avait parlé une fois. Il est arrivé assez tôt quand même, Georges, il a dû arriver au bout de la, je sais pas, la cinquième édition, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. T'as trouvé ça compliqué à organiser ou plutôt simple? En vrai, il y avait une complémentarité dans l'équipe qui faisait que ce que je savais pas faire, il y en avait d'autres qui savaient le faire. Donc du coup, c'était assez simple parce qu'on avait tous les talents nécessaires. D'accord. Et après, j'ai déjà organisé, tu vois, par exemple, des spectacles d'impro. Donc... Oui, moi, t'avais déjà ça, cette expérience-là. Ouais. Mais et j'avais une question aussi, c'est que du coup, le plateau, il est sur Paris. Ouais. Et on en parlait encore tout à l'heure, mais sur Paris, c'est pas simple de remplir. Ouais. Et vous avez réussi à remplir quand même, énormément. Et comment tu penses que vous avez réussi à faire? Déjà, il y a Walid qui est une agence de pub, tu vois. Mm-hmm. Genre lui, il est vraiment capable de faire énormément de promotions, de relancer tout le monde, etc. Il y a cette dimension-là. Il y a le fait, les premières fois, comme tout le monde, on l'a rempli avec nos potes. Et comme ça marchait bien, on a eu des bons retours. Et il y a même des gens qui n'étaient pas forcément des potes proches, qui ont commencé à revenir et à ramener d'autres gens. Et il y a aussi le côté où le plateau était thématisé et on le jouait dans des endroits un peu de culture geek. Et donc du coup, l'idée, c'était pas que les gens viennent en se disant « Ok, il y a un plateau ici », mais que les gens viennent parce que c'est un lieu où ils pouvaient venir d'habitude, qu'ils apprennent sur place qu'il y a du stand-up et qu'on arrive à les fidéliser. Et on a des gens qu'on a réussi à fidéliser comme ça. Quentin, notamment, je pense qu'il écoutera parce qu'il y a plein de... Quentin. Quentin, ou Quentin de Paris. Qui est connais pas du tout. Un mec qui maintenant est, traîne dans à peu près tous les événements de stand-up. Et genre son premier show de stand-up qu'il a vu à vie, c'était nous, les 7 blagues de Quentin. Ah ouais? Et maintenant, c'est devenu genre... je pense que ça va être un des mecs en France qui voit le plus de stand-up. Et d'accord. Qui n'est pas dans le milieu professionnel du stand-up, tu vois. Mmh. D'accord, mais en vrai, tu vois, c'est la question... Ça, c'est un truc que vous m'avez impressionné ce jour-là. Quand vous avez eu un souci avec un bar pour organiser les 7 blagues et que vous êtes venu dans un bar où je devais faire mon open mic un de ces jours plus tard, et vous l'avez rempli. Ouais. Et la com, genre, elle avait changé en une après-midi, milieu de matinée, on va dire que ça a changé. En fait, on a un peu triché ce jour-là parce qu'il y avait une dimension un petit peu open mic. Et quand t'as un open mic, si t'arrives à faire un bon open mic, t'as 15 artistes. Si ils sentent qu'ils sont bien accueillis, ils vont se dire, ok, là c'est un bon open mic, je peux ramener un pote ou deux, tu vois. Et donc du coup, tu remplis facilement comme ça. T'as moins besoin de faire de com sur un open mic, si tu l'organises bien, que sur un plateau. Parce que les humoristes, tu vois, genre, mettons que tu ramènes, tu fais un plateau. Ouais. Tu ramènes 6 artistes. La plupart de ces artistes, c'est des artistes un peu confirmés. Ce qui fait que tous leurs potes, tous leurs potes quasiment, ils l'ont déjà vu 1, 2, 3, 4 fois, ils n'auront pas forcément envie de revenir. Ouais. Donc ce sera à toi de ramener le public. Tu fais un plateau, tu fais un open mic, tu auras 15 humoristes. Pour certains, ce sera leur première scène. Donc si c'est la première scène, tu vas prévenir tous tes potes, tu vas ramener 5 ou 10 potes. Après, tu vas un peu te mordre les doigts parce que du coup, ils t'auront déjà vu sur un 3 minutes, ils n'auront pas envie de revenir quand tu auras besoin de remplir pour un 10 minutes sur un petit plateau et te demandent de ramener du monde, tu vois. Mais du coup, tu remplis très facilement les open mic. Et nous, c'est un des éléments qui nous a permis de se faire connaître vite, c'est qu'on avait un plateau, mais avec un open mic par mois, qui a vite été, on va dire, qui a vite eu une bonne réputation dans le milieu du stand-up. Ouais, bah oui, parce que moi, où je me suis inscrit, la seule fois où je l'ai fait, il y avait une... Parce que c'est une liste par Internet, inscription par Internet. C'est ça, c'était vraiment ça. Et c'était blindé, hein, vous étiez blindé. C'est ça, on avait, sur la fin, on mettait 30 places d'open mic, et les 30 places pour humoriste, et les 30 places partaient en moins de 24 heures. Ouais, mais après, c'est pareil, au niveau de l'organisation, vous êtes trop fort. Il y avait des gens qui se partaient à la dernière minute. Vous arriviez à rappeler les gens en disant, du coup, on a eu des ajustements, tu peux revenir, toi, finalement, et tout. Ouais, c'est une galère, ça, pour le coup, c'est moi qui m'en ai fait. En gros, j'avais un formulaire Google Docs, où du coup, je demandais aux gens de s'inscrire en leur demandant s'ils voulaient être sur le premier créneau, sur le deuxième créneau. Mm-hmm. Ça me remplissait un tableau Excel où avec les gens qui étaient en vert, s'ils étaient sur ce créneau-là et que je pouvais pas les bouger. En orange, s'ils étaient sur ce créneau-là, que je pouvais les bouger, mais que c'était en dernier recours. Ou en rouge, je pouvais pas les bouger. Et je rappelais, et je demandais à tout le monde de me reconfirmer. Et si jamais les gens me reconfirmaient pas, ou se désistaient, j'avais une liste d'attente, en fait. Et du coup, t'as eu notamment une fois où c'était Covid, et où du coup, j'ai eu 5-10 désistements le jour même. Et du coup, j'ai passé mon temps au téléphone à rappeler tous les gens qui avaient essayé de s'inscrire. Ouais. En disant, je t'avais dit que c'était pas possible, mais finalement j'ai une place. Et en général, les gens ne crachent pas. Tu leur dis, toi, quand ils sont sur Paris, ils crachent pas dessus. Mais au départ, là, ce que moi j'avais fait, c'était il y avait 2 sessions. Ouais. Et au départ, vous avez commencé avec 2 sessions, avec une seule. Directement commencé avec 2 sessions. Et vous avez réussi à remplir les 2 sessions. Ouais. Ah, ouais, quand même. Mais après, vous avez peut-être des contacts dans le stand-up à vous trois. Après, un des éléments en fait qui a fait que. On s'est un peu fait connaître aussi, c'est que une des premières coms qu'on a faites, c'était le bingo des plateaux de stand-up, en fait. Et du coup, c'était un flyer avec tous les trucs que tu pouvais voir dans un plateau de stand-up un peu typique, du style, l'humoriste qui dit « bon, celle-là, on va pas la garder », etc. Et du coup, c'était galerie pour les humoristes et ça nous a permis de nous faire un peu connaître. D'accord. En plus, on avait imprimé... je sais pas combien de flyers qu'on distribuait dans les autres open mic, etc. D'accord. Et en vrai, à Paname, un open mic, à l'époque en tout cas, en open mic où tu pouvais... si tu venais, t'étais sûr de jouer, il y avait nous et le Wishing Light, je crois, c'est tout. Peut-être, et la Taverne de l'Olympia aussi. Et voilà, donc il y en avait très peu. Et ces open mic-là, ils étaient vite pleins, tu vois. Ouais. Après, on a vraiment eu une bonne réputation parce que pour le coup, on le remplissait aussi en public. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres open mic que je t'ai cité sans pouvoir les discréditer, mais c'est un truc un peu compliqué de remplir en open mic. Et puis même les grosses, les gros, par exemple le Paname, le Barbès, tout ça, en open mic. Après le Barbès, ils avaient un bon truc à un moment, tu sais, où ils faisaient après les sessions. pour remplir, c'était super bien. Après, ils ont fait autre chose, mais du coup, il y avait beaucoup moins de monde. Même eux, qui sont quand même des grosses enseignes, ils avaient limite moins de personnes en public. Le Barbès, pour rappel, qui est, selon le spot du rire, le deuxième meilleur plateau Premier... de France. Sachant que le premier est les 7 blagues de cristal. Les 7 blagues de cristal, il faut le rappeler. Ça, c'est juste du complexe. Il faut le rappeler et c'est important. En vrai, quand j'avais vu ça, j'étais trop content. Et c'est vrai que quand j'y suis allé avec une petite tour, on en avait parlé. Et vraiment, c'est le truc où je me suis senti le j'allais dire le meilleur, mais pas le meilleur, mais où je me suis senti le mieux, quoi. On se sent bien dès le départ. Vraiment, c'est... Et puis, c'est pas le public. Quand tu vois les publics parisiens, en général, tu sais, il y a beaucoup qui sont très fermés et tout. Et là, le public était chaud dès le départ. Après, vous avez un bon chauffeur de salle, Walid. Ouais, et je pense qu'il y a aussi peut-être la dimension du lieu. Où, là, c'est quand même un lieu où tu peux aller taper une partie de jeu vidéo et après aller voir du stand-up, tu vois. Ouais. Et je pense que ce côté, ça donne un côté genre où tu vas plus être ouvert à discuter avec les autres et ça crée un climat qui est plus favorable au stand-up, tu vois. Enfin, qui va être favorable au stand-up aussi. D'accord. Ah bah, c'est un truc qui m'avait impressionné. Félicitations, du coup, pour la première place. Merci. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, pas spécialement, si t'as pas d'autres questions. Si, j'ai juste une dernière question quand même. Est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle avec Adrien Labrocante? Moi, je pense que l'humour sera, que l'avenir sera grinçant avec moi plutôt que drôle. Grinçant. Genre, moi, vraiment, les trucs qui me font le plus rire, en vrai, que je vais retenir, c'est pas des trucs où tu t'esclaves de rire, mais ça va être plutôt des trucs où t'as un rire un peu triste, un peu gêné, tu vois. Genre, tu vois, genre, typiquement, je suis archi fan du Club des Losers, tu vois. Ouais, c'est un truc que je connais pas trop. Ah, mais l'album La Fin de l'Espèce, gros trigger warning misogynie, hein, je te dirais par contre, dessus. Mais c'est hilarant, et moi je trouve ça hilarant, mais c'est pas tu t'éclates de rire, mais c'est juste plein d'humour très noir et très genre. Tu sais, genre où ça va te donner un sourire un peu. Un rictus un peu, ouais. Un peu mal à l'aise, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît, tu vois. Même certains passages de encore trigger warning misogynie plus racisme pour le coup, mais les livres de Welbeck, tu vois, par exemple, je trouve que pareil, ce côté genre très vision très misanthropique du monde, tu vois, moi je trouve c'est un truc que je trouve très drôle, tu vois, de parce que après pour le coup, ouais, Fuzzati c'est moins, enfin le Club des Losers c'est moins le cas, mais Welbeck, moi je le vois vraiment genre c'est drôle parce que c'est un vieux mec aigri qui déteste tout le monde, qui écrit des horreurs, tu vois. Et je rigole pas des horreurs en tant que telles, mais je rigole de ok, c'est drôle de voir à quel point il est de mauvaise foi quand il dit ça, etc. Tu vois, et moi c'est ça qui me fait rire, tu vois. Et je pense que même lui, je pense qu'il est, je sais pas, genre j'ai l'impression que Welbeck est assez au clair sur le fait qu'il est de mauvaise foi et qu'il exagère les choses parce qu'il est dans cette détestation sûrement de lui-même et du monde, quoi. D'accord, ok. Donc l'avenir sera grinçant et pas drôle. Ouais, moi je pense que... après, j'ai pas changé le moment de podcast pour toi. Ouais, mais je comprends, t'imagines bien. Hors de question. En plus, je me suis dit que vraiment, c'est le meilleur moment pour appeler un podcast L'Avenir Sera Drôle. Parce que là, c'est pas le top. Mais, et du coup, là, tu comptes revenir sur scène quand? Prochaine date des 7 blagues de cristal, a priori. Et après, on va voir comment on organise à Melun, notamment. Enfin, Melun, Veneux les Sablons et compagnie. Ouais, ça, il faut qu'on s'organise, pour qu'on crée cette asso, d'ailleurs. Et déjà, merci. Merci pour le premier épisode. Bah, merci à toi d'entretenir chez moi l'illusion que je suis un artiste. Ouais, je me suis dit. Reconnaissance, écoute. Tu m'étonnes. T'as vu tes chevilles. Qu'est-ce que t'as pensé de ce podcast? Dis-moi. Ouais, je reviens. On n'a pas juste discuté. Ah non, on n'a pas juste discuté. Non. Mais, on aurait pu. Après, tu vois, genre. Dis-moi les critiques, dis-moi tout. Moi, j'accepte tout. Non, c'est juste. Je couperai au montage, c'est tout. Je sais pas si les gens s'intéressent assez à toi et assez à moi pour écouter ça, tu vois. Ouais, alors, ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, franchement, on sait jamais. on sait jamais. Et ouais, je trouve ça bien de parler, en fait, de nouveaux artistes qui peuvent arriver. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est juste de faire courir la rumeur que j'ai dit plein de saloperies sur plein de stand-upers. Et ils ont tous un ego tellement sur des murs. Ah, mais c'est sûr. Qu'ils vont tous écouter pour savoir si je les ai. Ah, mais c'est pas con, ça. Tu dis, je suis désolé, Adrien était en roue libre, il a insulté la moitié du stand-up français. Ou peut-être que ce podcast, il va pas péter maintenant, mais dans 10 ans, quand les gens, ils verront Adrien Labrocante et tout, et plein de stand-upers qui vont passer dans ce podcast, ils vont cliquer, ils vont voir un ancien podcast, toi qui parlais quand t'étais pas connu du coup. Ouais. Tu vois, genre, quelqu'un qui serait assez fan de moi pour, à un moment où j'ai une notoriété, retrouver des podcasts de moi 5 ans avant, ouais. J'aurais peur de cette personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Genre, déjà, je pense que si à un moment j'ai des fans, je pense que ce sera des gens dont j'aurais peur. T'as des fans, hein, des fans. Ma mère. Ma mère est fan. Okay. T'as peur de ma mère, du coup. Ouais, t'as une fan, t'as deux fans, on va dire. Mais pas plus, pour l'instant. Ok, bah je te remercie. Bah, de rien, merci à toi de m'avoir invité. Écoute, c'est cool. Avec plaisir.